Ce pourrait être le titre d'un roman gothique du XIXe siècle, Ergenekon. Effectivement, ce nom mystérieux recouvre une histoire aussi fantastique qu'inquiétante. Un complot à l'échelle de tout un pays et dont on ne cesse depuis 2 ans de démêler difficilement les fils tant les conspirateurs bénéficient de nombreuses complicités. Ce pays, c'est la Turquie, où l'on découvre avec effarement que la pieuvre Ergenekon avait lancé ses tentacules au plus profond de l'État et des institutions. Alors, avant d'ouvrir ce dossier avec M. X, une explication sur cette appellation ténébreuse. Ergenekon, c'est le nom d'une vallée mythique des montagnes de l'Altaï, au fin fond de l'Asie centrale, là d'où seraient issues les tribus turques originelles. Selon la légende, une louve au pelage gris-bleu aurait incité ces féroces guerriers à quitter leur montagne pour se lancer à la conquête du vaste monde. Et c'est ainsi que, conduits par ce fauve, les Turcs auraient abandonné l'Asie centrale pour avancer vers la Méditerranée et se rendre d'abord maîtres de l'Anatolie, avant de conquérir plus tard une grande partie du bassin méditerranéen et des Balkans. Et ce n'est pas par hasard si, plus tard, au XXe siècle, une redoutable organisation turque nationaliste et terroriste a choisi de s'appeler les Loups Gris. Les Loups Gris qui seront le bras armé et clandestin du complot Ergenekon. Et ici, il faut rappeler que c'est à l'occasion de l'attentat contre Jean-Paul II en 1981 que les Loups Gris accéderont, si j'ose dire, à une notoriété internationale lorsqu'on apprendra que l'homme qui a tiré sur le chef de la catholicité, Ali Aksha, était membre de cette organisation criminelle. Mais au-delà de cette appellation folklorique ou légendaire, c'est donc la réalité d'une vaste opération conspirationniste qui est en train d'être mise au jour en Turquie, une entreprise née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui n'a cessé de peser sur les orientations politiques du pays et qui est responsable des épisodes les plus sanglants de l'histoire récente de la Turquie. Thank you. des considérations générales pour commencer. Si la Turquie connaît aujourd'hui une évolution sans précédent et essaie de se débarrasser des fantômes du passé, le doit essentiellement à deux facteurs. D'abord, son aspiration à se rapprocher de l'Union européenne. Et même d'en devenir un jour membre. C'est juste, oui. L'autre raison, c'est l'accession au pouvoir d'une classe politique nouvelle. Les islamistes modérés et qui dirigent maintenant le pays depuis 2002. Des modérés, qu'on appelle aussi conservateurs d'ailleurs, qui inquiètent quand même beaucoup de monde, en particulier en Europe. C'est vrai que certaines de leurs initiatives, comme l'autorisation du port du voile à l'université, font douter du laïcisme qu'ils affichent officiellement. Toutefois, ce qui est nouveau, c'est leur volonté de rompre avec les aspects les plus contestables du kémalisme. Et surtout, la primauté de l'armée. Ouais. Mais le kémalisme, il faut le rappeler, c'est la doctrine instaurée par le père de la Turquie moderne, Mustafa Kemal, dit Atatürk. L'homme considéré comme une sorte de personnage intouchable et qui a fait de son pays un état laïque. Et qui l'a débarrassé des traditions rétrogrades du sultanat. Mais en même temps, il a fait de l'armée le fer de lance de sa politique et aussi le garant des progrès qu'il a introduits. Et donc, d'abord, la laïcité. Et sur ce point, les généraux ont toujours été intransigeants. Oui, ils se sont même institués les gardiens de la laïcité. C'est ça. Cependant, ils ne s'en sont pas tenus à cette vigilance rigoureuse. En fait, jusqu'à ces dernières années, ils ont exercé la réalité du pouvoir. Et à chaque fois qu'ils l'estimaient nécessaire, ils ont fomenté des coups d'État et placé l'un des leurs à la tête du pays. Mais, et c'est encore plus grave, cette prééminence leur a permis de perpétrer de nombreux crimes. Autrefois, contre les communistes et les opposants de gauche, et plus récemment, contre les Kurdes. Et c'est toute cette boue qui remonte à la surface à l'occasion de cette mise au jour du complot Ergenekon dont vous voulez me parler aujourd'hui. Exactement. Et au travers des procès qui sont intentés contre un certain nombre de hauts gradés, les Turcs effarés découvrent un système clandestin, militaro-politico-mafieux d'une ampleur incroyable. Alors, un mot d'abord. Il existe en Turquie une sorte de tradition des sociétés secrètes. Et ça remonte à l'Empire ottoman. Oui, mais je vous écoute. Dès le début du XXe siècle, des officiers sont à l'origine de la création de ce que l'on a appelé l'organisation spéciale. Et c'est cette entité qui initiera le combat contre la minorité chrétienne. Mais le génocide arménien, c'est ouais, ça. Ouais. Et le sujet d'autant plus sensible en Turquie que c'est dans le même creuset que se développera le mouvement des jeunes Turcs, d'où émergera Mustafa Kemal. Toutefois, Atatürk lui-même prendra ses distances avec le massacre des Arméniens. C'est juste, mais il sera nourri par ce même nationalisme qui a armé la main des génocidaires de 1915. Sujet sensible, donc. Alors, sautons quelques années. Atatürk, après avoir radicalement transformé son pays et introduit des réformes courageuses, meurt en 1938. Et c'est l'un de ses proches qui accède au pouvoir. La suite est moins glorieuse. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Turquie entame un long flirt avec l'Allemagne nazie. Et pourtant, en principe, elle est neutre. C'est juste. Cependant, dans les milieux de l'armée, on considère le Troisième Reich avec une grande sympathie. C'est d'autant plus vrai qu'il existe une longue tradition de coopération entre militaires allemands et turcs. Et à la même époque, on observe que se développe un mouvement nationaliste, le panturquisme ou pantouranisme, qui regroupe des gens qui se sentent très proches des nazis et qui, à leur image, rêvent de rassembler tous les turcophones. Et dont un grand nombre vivent dans les républiques d'Asie centrale. Donc à l'intérieur des frontières de l'URSS. Ouais. L'Empire soviétique, ennemi naturel de ces pantouranistes. Et je vais vous parler de l'un d'entre eux, qui va jouer un rôle notoire dans la vie politique turque. Enfin, n'allons pas trop vite. Je m'y attendais. Juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Turquie se ressaisit, rompt ses relations diplomatiques avec Berlin et finit même par déclarer la guerre au Troisième Reich en février 1945. Ben, il était temps. Et pour donner des gages aux sourcilleux voisins soviétiques, quelques pantouranistes sont jetés en prison. La suite est assez prévisible. Dans le climat de guerre froide qui prévaut dès la fin du combat, il est évident que la Turquie est appelée à tenir un rôle considérable. Oui, parce qu'elle a des frontières communes avec l'URSS. Naturellement. Et les Américains entendent bien en faire un poste d'observation privilégié. Et une base avancée des installations militaires de ce qui ne tardera pas à devenir l'OTAN. En effet. Alors autant le dire tout de suite, les États-Unis seront fortement impliqués dans l'évolution politique de la Turquie. Et lorsqu'il s'y passera des événements importants, ils ne seront jamais très loin. Mais enfin, nous verrons cela un peu plus tard dans le détail, car dans une certaine mesure, les Américains ne sont pas tout à fait étrangers à l'affaire Ergenekon. Auparavant, je vous propose de nous intéresser à un personnage emblématique qui peut être considéré comme le véritable père du complot Ergenekon. Qui hein? C'est un homme au nom symbolique, Alparslan Türkes. Un personnage qu'on a aussi appelé le Bazbug, c'est-à-dire le chef, le Führer. Et je n'emploie pas ce dernier mot au hasard. Parce que ce Türkes-là était un émule de Hitler? Oui, oui, l'un de ces pantouranistes fascinés par le nazisme. Türkes est né à Chypre pendant la Grande Guerre. Après des études militaires, devenu officier, c'est un partisan résolu du rapprochement entre la Turquie et l'Allemagne nazie. Et il applaudit à la signature en 1941 du traité d'amitié entre les deux pays. Il est donc pro-nazi. Absolument. Ouais. Il plaide pour l'instauration d'un régime totalitaire en Turquie. Et à l'imitation de Hitler, le pan-germaniste, il se veut par conséquent l'apôtre du pan-turquisme. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme certains autres militants de son obédience, il a forcément quelques ennuis avec la justice et doit répondre d'activités racistes. Oui, mais d'activités racistes contre qui alors? Contre tous ceux qui ne sont pas, selon lui, des vrais Turcs. Ah ouais. Les Juifs, les Arméniens, les Kurdes. Mais ces désagréments sont brefs. À la fin des années 50, Türkes accède au grade de colonel. Et en 1960, il est partie prenante d'une tentative de putsch contre le régime. Ça n'a pas traîné. Et une tentative réussie? Oui. Derrière se trouvent des nationalistes comme Türkes, mais surtout de jeunes officiers qui ne veulent surtout pas que soient remises en cause les avancées de la révolution kémaliste. C'est-à-dire l'héritage social et laïque d'Atatürk. Essentiellement. Mmh. C'est la première fois depuis la fin de la guerre que l'armée intervient ouvertement dans la vie politique du pays. Et objectivement, alors, elle avait des raisons de le faire? La Turquie était alors dirigée par un gouvernement de droite issu des élections libres de 1950. Sa base électorale, c'était la bourgeoisie commerçante, les notables provinciaux et la population rurale. Autant dire que ce n'était pas un gouvernement de progrès. Mais pour les jeunes officiers, il y avait donc plus grave. Ces conservateurs menaçaient l'héritage d'Atatürk. Et ça, pour eux, c'était impardonnable. Les militaires s'emparent par conséquent du pouvoir. Mais à quelle obédience appartiennent-ils? Sont-ils de gauche? Beaucoup, oui. Ouais. Mais il y a aussi parmi eux des nationalistes comme l'inévitable Türkes. Et sa présence inspire quelques craintes. Ah oui, la menace de voir s'installer un pouvoir totalitaire. Oui, d'autant que le gouvernement militaire montre d'emblée qu'il ne recule pas devant les mesures extrêmes. Il fait par exemple exécuter le premier ministre déchu et deux de ses ministres. Cependant, et la surprise est d'importance, les jeunes officiers au pouvoir changent de cap. Les plus extrémistes, comme Türkes, sont écartés. Et l'orientation des nouveaux hommes forts devient sociale et même progressiste. Ainsi, à côté de l'instauration de la sécurité sociale, d'un régime de retraite, de la légalisation du droit de grève, etc., les militaires adoptent une nouvelle constitution qui privilégie les libertés fondamentales. Alors, cette première intervention de l'armée, donc plutôt positive? Oui, mais ça ne sera pas toujours le cas. Car déjà, la machine qui finira par engendrer le complot Ergenekon est en place. Dans le plus grand secret, naturellement. Rendez-vous avec X. Ce sont surtout les menaces contre la laïcité, pilier du kémalisme, qui ont fait sortir les militaires turcs de leur caserne. En témoigne cet extrait du livre d'Ibrahim Tabet, Histoire de la Turquie. Le retour de l'islam et le débat sur la laïcité suscitent des clivages de plus en plus vifs au sein de la société et des milieux dirigeants. Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement prend des mesures, sans doute accessoires, mais hautement symboliques, qui ont pour effet d'éroder la composante laïque du kémalisme et de réintroduire l'islam dans la société civile et la vie politique. L'appel à la prière en arabe est restauré. L'enseignement religieux est rendu obligatoire dans les écoles primaires, puis introduit à titre facultatif dans le secondaire. Faute de personnel compétent, et à défaut d'abandonner cet enseignement à des religieux, ces mesures conduisent à la réouverture en 1951 des écoles d'imams, prédicateurs et de la faculté de théologie d'Ankara, créée en 1924 puis fermée en 1933. Le budget de la direction des affaires religieuses, devenue ministère, est augmenté. Des émissions religieuses radiodiffusées voient le jour, de nouvelles mosquées sont mises en chantier. Histoire de la Turquie a été publiée en 2007 par l'Archipel. Turquès a été écarté, mais je vous dis, mais qu'est-il devenu là ? Pour Turquès et ses amis pantouranistes, il faut aboutir à l'édification d'un régime dictatorial et nationaliste. Ce que ne veulent pas les officiers qui se sont emparés du pouvoir. Turquès doit alors s'exiler en toute hâte et il est renvoyé de l'armée. À l'étranger, il en profite pour prendre contact avec des néo-nazis allemands avec lesquels il monte une filière d'armes. Et dans quel but ça ? Il pense déjà à créer une milice. Sa milice, qui deviendra plus tard le creuset de l'organisation des fameux loups gris. Ah ouais. À l'époque, il a aussi des rapports avec une structure secrète, une sorte de Gladio à la turque. Gladio, faut le rappeler, hein, Gladio, c'était une série de noyaux militaires clandestins initiés par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour faire éventuellement échec à une invasion soviétique, c'est exact, ça. Exact, hein, oui. Et les réseaux Gladio ont été créés dans la plupart des pays affiliés à l'OTAN. Et comme ils ont largement recruté dans les milieux les plus anticommunistes, un type comme Turquès se trouvait presque naturellement proche de ces gens. Alors, très tôt, si je vous entends bien, ce Turquès est donc un homme des Américains. Oui, les Américains qui, je vous l'ai dit, accordent une grande attention à la Turquie. D'ailleurs, en 1960, le premier putsch des militaires a été perpétré avec la bienveillance de Washington. Ah oui, Washington qui a donné son accord. Ça s'est passé à peu près comme ça. À la Maison-Blanche, où régnait encore Ike Eisenhower, on a estimé que la Turquie s'enfonçait dans le désordre. Un régime fort s'imposait donc. Et notez-le bien, à chaque fois que les militaires interviendront dans les affaires politiques de leur pays, ils prendront bien soin de s'assurer de l'accord de Washington. Revenons à Turquès. Dès 1964, il est de retour en Turquie. Et à la faveur de la démocratisation mise en place par le pouvoir, il entend bien s'occuper à nouveau des politiques. Et comment cette fois-ci là ? Turquès va jeter son dévolu sur un petit parti existant, le Parti Républicain Paysan. Qu'est-ce qui... Ils veulent l'infiltrer ? Bien sûr, et en prendre la tête. Et ça marche ? Oui. Et même si les débuts électoraux de Turquès sont assez ridicules, son parti n'obtient donc que 2% des voix en 1965. Ça permet au Bazbouk de devenir député. Et de disposer d'une tribune. Et il en profite pour propager ses idées extrémistes. Un seul exemple. Violemment hostile aux revendications autonomistes des Kurdes, il ose ce genre de déclaration. Si ces derniers veulent une patrie, qu'ils la trouvent en Afrique. Sinon, qu'ils aillent s'informer auprès des Arméniens. Ça, c'est un rappel cynique du sort qui a été fait à ces mêmes Arméniens. Et une sorte d'appel au génocide des Kurdes. Ce Turquès est vraiment un charmant personnage. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Turquès, en digne émule de son grand homme, Adolf Hitler, se proclame guide suprême de son parti qui devient le parti du mouvement national. Et il crée sa milice, les loups gris. Des jeunes gens promptes à en découdre par la force avec leurs adversaires. Ils mènent des expéditions, souvent meurtrières, sur les campus. Ce n'est qu'un début. Et parallèlement, comment évolue le régime ? Au cours de la décennie des années 60, la Turquie connaît un développement très rapide, en particulier dans le domaine industriel. En même temps, le parti issu du putsch doit céder le pouvoir à la suite des élections de 1965. C'est-à-dire que les conservateurs reviennent. Oui, oui, le parti de la justice, dirigé par Süleyman Demirel. Mais le mécontentement grandit, surtout dans les milieux ruraux qui se sentent oubliés. Et la Turquie, comme de nombreux autres pays, connaît une année 68 assez agitée, d'autant que la situation économique se dégrade. Conséquence, le gouvernement réprime essentiellement les forces de gauche. Et comme le désordre ne cesse de croître, les militaires décident une nouvelle fois de reprendre les choses en main. Encore un putsch. En 1971. Mais à la différence des jeunes officiers de 1960, ces militaires ne sont pas des progressistes. Bien au contraire, ils accentuent la répression contre la gauche. État de siège, tribunaux militaires, arrestations arbitraires. C'est le début d'une période marquée par la violence. Et Türkes, lui, joue sa partition dans ce climat ? Bien évidemment. Car face aux forces de répression, on voit émerger un terrorisme suscité par des mouvements kurdes et d'extrême gauche. Les loups gris de Türkes répondent par des attentats et des affrontements dans la rue qui font de nombreuses victimes. Toutefois, malgré cet activisme fasciste, Türkes accède à une sorte de respectabilité. Et en 1975, il est même nommé vice-premier ministre du gouvernement conservateur de Süleyman Demirel. On lui confie alors la police et l'éducation. C'est un poste clé pour un extrémiste. Évidemment, hein. Ouais. Surtout pour un homme qui affirme publiquement « Nous devons exterminer les Kurdes, les Arméniens, les Arabes et les Juifs. » Ah ben, ça, au moins, c'est clair. Hein. Türkes reste 2 ans au gouvernement. Mais ensuite, il soutient les conservateurs qui restent au pouvoir. Et pendant ce temps, les loups gris perpètrent de véritables massacres au Kurdistan. L'organisation paramilitaire de Türkes agit alors en milice sous-traitante des forces de l'ordre. Au cours de cette décennie, le pays vit dans un perpétuel état de violence. Et le bilan humain est très lourd. 5 000 morts et presque 20 000 blessés. Oui, mais tous ces morts, aussi nombreux soient-ils, ne peuvent pas être seulement imputés aux loups gris. C'est vrai, mais les massacres de masse contre les minorités ethniques ou religieuses sont souvent de leur fait. C'est aussi à cette époque que la dérive mafieuse commence et que les loups gris se lancent dans le trafic de drogue. Mais, si vous voulez bien, on va y revenir. Oui. Car les liens entre la mafia et l'extrémiste nationaliste seront désormais une constante. Il faut aussi souligner qu'on assiste à la même époque à la création d'une nouvelle organisation secrète, la contre-guérilla. Et c'est quoi ça ? C'est l'émanation directe de ce gladio à la turque dont je vous ai parlé. Bon, disons-le tout de suite, le complot Ergenekon plonge directement ses racines dans cette structure clandestine qui reçoit à la fois le soutien de l'état-major et de la CIA. En fait, à l'image de ce qui se passe en Italie, il s'agit de mettre en place une stratégie de la tension propice à l'établissement d'un régime autoritaire et surtout très anticommuniste. Puis il y a aussi, en 1974, l'épisode chypriote. Et l'intervention militaire turque qui répond à celle des colonels grecs. Et qui aboutit à la scission de Chypre, hein, scission qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Cette action militaire très populaire en Turquie, où l'on a toujours revendiqué la possession de l'île, a bien sûr renforcé le prestige de l'armée. Pendant cette période très agitée, donc, Türkes, avez-vous dit, a accédé à une sorte de respectabilité en devenant ministre. Et il en profite pour infiltrer sa milice à l'intérieur des structures de l'État. Ces loups gris, auteurs de multiples exactions, bénéficient alors d'une quasi-impunité. Et les loups gris, là, ont des rapports avec cette contre-guérilla dont vous avez évoqué la création ? Bien sûr. Tous ces gens-là travaillent la main dans la main, car ils poursuivent le même but, l'établissement d'un pouvoir totalitaire. Et ils pensent atteindre leur objectif en 1980. Que se passe-t-il alors ? Prenons prétexte du désordre croissant, de la crise économique et de l'échec de la coalition gouvernementale, les militaires qui ont toujours exercé une sorte de tutelle sur le pays provoquent un nouveau putsch. Pour remettre de l'ordre une nouvelle fois, j'imagine. C'est toujours le prétexte qu'ils invoquent. Ils décrètent donc l'état de siège, exécutent une 50aine d'opposants, essentiellement de gauche, et en enlèvent plusieurs centaines d'autres qui seront systématiquement torturés et dont certains ne reparaîtront jamais. Enfin, 600 000 personnes sont placées en garde à vue et plusieurs dizaines de milliers d'autres sont emprisonnées. Beaucoup quand même. Hein. Et Türkes ? Il est arrêté, comme tous les autres dirigeants politiques. Mais pourquoi ? Il a du mal à comprendre, parce qu'il pense, non sans raison, que ces militaires ne font qu'appliquer son programme et mettre en pratique son idéologie nationaliste et xénophobe. Car bien évidemment, la junte au pouvoir accentue encore la répression contre les séparatismes kurdes. Alors il a des raisons de se sentir floué. Oui, mais les putschistes ne sont nullement décidés à partager le pouvoir et Türkes va rester 4 ans et demi en prison. et ne reprendra ses activités politiques qu'en 1987. Toutefois, malgré cet effacement relatif, ses fidèles n'ont cessé de continuer à infiltrer les milieux mafieux et toutes les structures de pouvoir, notamment les services spéciaux. Et lorsque cet extrémiste meurt d'une crise cardiaque en 1997, ses funérailles sont quasi nationales et de nombreux dignitaires du gouvernement viennent lui rendre hommage. Son influence dépassait donc largement sa représentation parlementaire. Effectivement. Encore que, après sa mort, son parti devient la deuxième force politique du pays avec presque 18% des voix. Mais Türkes fait désormais partie du passé. Et les nouveaux hommes forts du pays n'ont guère envie de s'embarrasser de ce fantôme sulfureux. Toutefois, les loups gris, eux, continuent d'exister et d'exercer leur coupable activité. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La toute-puissance de l'armée turque, a dit M. X. En effet, depuis Atatürk, on l'a vu, ce sont les militaires qui tirent les ficelles. La preuve avec cet article publié en décembre 2002 par Le Monde sous la signature de Marie Jégo. En Turquie, c'est l'armée qui décide des grandes orientations de la politique étrangère et détermine les règles du jeu politique. À trois reprises par le passé, elle est intervenue brutalement, en 1960, 1971, 1980, au nom de la sécurité nationale. Au quotidien, l'armée contrôle la vie universitaire par l'intermédiaire du Conseil de l'enseignement supérieur et surveille les médias par le biais du Haut Conseil de la radio et de la télévision. Elle est un acteur économique de poids qui investit tant dans l'agroalimentaire que dans l'automobile. Enfin, éloignée des querelles et des scandales inhérents aux partis politiques traditionnels, largement discrédités auprès de la population, l'armée est une valeur sûre, certainement l'institution la plus respectée. Ses recommandations édictées lors de la réunion mensuelle du Conseil de sécurité, composée de 4 représentants du pouvoir civil et de 5 généraux, sont prioritaires selon la constitution issue du coup d'État de 1980, toujours en vigueur. Avant de reparler des loups gris, je voudrais qu'on revienne au coup d'État de 1980. Qui sont les nouveaux maîtres de la Turquie ? Le patron, si j'ose dire, c'est le général Evren, un officier supérieur qui, à la tête du département des opérations spéciales, préparait son coup depuis longtemps. Le département des opérations spéciales, avez-vous dit ? Oui, une organisation semi-clandestine qui est en fait devenue le nouveau fauné du gladio turc. Et ça devient compliqué, hein, parce que vous m'avez aussi parlé d'une autre structure, hein, la contre-guérilla. Eh bien, au risque de simplifier, disons que c'est la même chose. Et c'est toujours l'émanation de Gladio que les Américains appellent « stay behind ». Oui, c'est-à-dire « rester derrière ». Et ce Gladio, par l'intermédiaire du général Evren, est donc maintenant au pouvoir. Et malgré la mise à l'écart de Turquès, il s'appuie toujours sur les loups gris qui, plus que jamais, représentent une force considérable dans le pays. Au début des années 1980, on estime qu'il existe alors plus de 1500 groupes de loups gris. Et ça fait combien d'hommes au total? Près de 200 000. Et ces militants actifs peuvent compter sur 1 million de sympathisants. Ce sont eux qui, en mettant en œuvre à la lettre la stratégie de la tension, ont permis à Evren de s'emparer sans coup férir du pouvoir. Soyez plus précis là. Cette stratégie de la tension dont vous parlez, se traduisait comment dans la réalité? Ce n'est pas pour rien qu'on a établi une comparaison avec l'Italie des années de plomb. À peu près à la même époque d'ailleurs. En effet. Et on pourrait également parler de la Belgique. Alors, concrètement, il s'agit de perpétrer des actes criminels. Oui, des attentats. Mais aussi des assassinats. Oui. Des exactions qui peuvent être indifféremment attribuées aux extrémistes de gauche ou de droite. En Italie, par exemple, les néo-fascistes d'un côté et les brigades rouges de l'autre. C'est ça. Et le but étant de faire la démonstration que le pays sombre dans le chaos et que seul un gouvernement fort pourra rétablir l'ordre. Et pour ne parler que de la Turquie, il faut observer qu'attentats et assassinats cessent, comme par miracle, dès l'accession au pouvoir du général Evren. Et ce n'est pas par hasard. Hein. Bien entendu. Mais parallèlement, il faut aussi, dès que l'opération de prise du pouvoir est réalisée, mettre au pas tous ces hommes de main qui ont concouru à appliquer cette stratégie de l'attention. Et si je vous ai écouté, ce sont essentiellement les loups gris. Et c'est pourquoi Turquest est mis à l'ombre et que des centaines de ses sbires sont raflés. Mais ils ne restent pas très longtemps incarcérés, car on leur fait très rapidement des propositions très alléchantes. Mais par exemple, eh bien, on leur promet liberté et salaire s'ils consentent à s'engager dans la lutte contre les séparatistes kurdes. Mais attendez, qui leur fait cette proposition exactement? Les services secrets turcs. On en fait donc, si je comprends bien, des mercenaires au service de l'État. Les loups gris se sont... par conséquent reconvertis. Oui, sans toutefois abandonner le quotidien de leurs activités qui sont essentiellement mafieuses. Quoi, le trafic de drogue? Entre autres, oui. Les loups gris ont très vite versé dans le gangstérisme. Et la preuve en sera apportée de façon spectaculaire en 1996. Enfin, n'allons pas trop vite. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'ils ont été mêlés à presque tous les mauvais coups qui ont accablé la Turquie pendant les décennies 70, 80 et 90. Un seul chiffre. Mais il est éloquent. Après le putsch de 1981, quand le nouveau pouvoir militaire a voulu adresser un avertissement aux loups gris, la justice a inculpé un certain nombre d'entre eux pour un total de presque 700 meurtres. Ouais, pas mal quand même. Et un rappel, car nous en avons déjà parlé autrefois, mais pourquoi est-ce un loup gris, Ali Aksha, qui a tiré sur le pape en 1981? Dans ce dossier qui n'a jamais été tout à fait éclairci, je vous ai donné mon sentiment. Aksha et son organisation ont rempli un contrat. D'accord, mais pour quel commanditaire? Ça, c'est autre chose. Mais je suis persuadé que la mafia italienne a joué un rôle dans cette affaire. La mafia avec laquelle les loups gris entretenaient d'excellents rapports. Toujours le trafic de drogue. Bien sûr. Mais il n'est pas exclu que d'autres commanditaires soient restés dans l'ombre, et parmi eux des hommes qui se trouvaient au Vatican. Les prélats? Pourquoi pas? Je sais de bonnes sources qu'on pourrait bientôt voir surgir de nouvelles pistes. Et je ne manquerai pas de vous en informer en priorité. Je l'espère, en tout cas. Autre question. Vous avez dit que Washington surveillait attentivement l'évolution politique de la Turquie. La Turquie a lié fidèle et membre éminent de l'OTAN. La Turquie, dont le territoire servait aussi à espionner l'URSS, et de base de départ pour certaines opérations clandestines au-delà du rideau de fer. Alors justement, comment... ont réagi les États-Unis lorsque le général Evren a perpétré ce nouveau putsch? Washington a suivi de bout en bout le coup d'État. Et même si, dans ce genre d'affaires, il est très difficile de recueillir des preuves, il est certain que le chef de la station de la CIA à Ankara a joué un rôle dans la préparation du putsch. Ça signifie donc que le général Evren, comme ses prédécesseurs, avait reçu un feu vert des Américains? En effet. Jamais les militaires turcs ne seraient passés à l'action sans avoir reçu l'aval de la Maison-Blanche. Et pourtant, à l'époque, à la Maison-Blanche, c'était encore Jimmy Carter qui régnait. Oui, mais Carter, ardent démocrate, savait aussi faire la part des choses et adopter une position réaliste lorsqu'il le fallait. Et pour bien comprendre, il faut resituer l'événement dans le contexte international. 1980 est une année très délicate pour les États-Unis. En Afghanistan, l'armée rouge vient de déferler. en Iran. Khamenei a pris le pouvoir et les Pasdaran ont pris en otage des diplomates états-uniens de l'ambassade de Téhéran. Dans ces conditions, il convient au plus tôt de stabiliser la Turquie qui, d'attentat en attentat, risque de basculer dans le chaos. Et c'est pourquoi le président Carter a donc donné son feu vert. Carter et son conseiller, Zbigniew Brzezinski, qui ont estimé que l'instauration à Ankara d'un pouvoir militaire fort serait un gage de stabilité dans la région. En dépit des nombreuses atteintes aux droits de l'homme qui se produisent inévitablement après un putsch de cette nature. C'est certain. Mais c'était le prix à payer. Et en Turquie, il a été particulièrement lourd. Inutile d'y revenir puisque j'ai déjà évoqué cet aspect. Il convient toutefois de souligner que les généraux en profitent pour accroître encore, si c'est possible, leur emprise sur l'État. Mais de quelle façon hein? Tout en jetant en prison leurs opposants, ils mitonnent une nouvelle constitution qui leur donne le pouvoir exorbitant d'intervenir à tout moment s'ils jugent que les valeurs républicaines sont en danger. Alors l'armée devient garante de la République. Mais c'est une disposition qui est toujours d'actualité. Même si les coups portés contre les principaux dignitaires de l'armée à l'occasion de la dénonciation du complot Ergenekon rendent une intervention des militaires de moins en moins crédible. Ouais. Mais au moins, dans le principe, ça reste possible. Tout à fait. Mais revenons un peu en arrière. Mm-hmm. Pour parfaire leur pouvoir, les généraux renforcent le MGK, acronyme du Conseil National de la Sécurité. Encore un organisme. De quoi s'agit-il là? Le MGK, qui regroupe président, ministre et membres de l'état-major, est une structure permanente, placée sous l'autorité d'un militaire. C'est ce MGK, et lui seul, qui détermine la politique sécuritaire du pays. Il peut intervenir dans tous les domaines, même sur les sujets de société. Et ses décisions sont irrévocables. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un deuxième gouvernement? Ou plutôt le seul vrai gouvernement de la Turquie. Et les observateurs politiques turcs ne s'y sont guère trompés. C'est à partir de cette époque qu'ils ont commencé à utiliser l'expression « d'état profond ». D'état profond. Mmh. Comme s'il existait un gouvernement fantoche et que le vrai pouvoir appartenait à ce Conseil national de sécurité, c'est-à-dire l'État profond. Et ce système restera en vigueur au moins jusqu'en 2003. Et jusqu'à l'émergence des islamistes. Oui, et d'ailleurs on peut se demander si les militaires tout-puissants jusqu'alors n'ont pas eux-mêmes creusé leur propre tombe. Que voulez-vous dire là? Ces militaires, des laïcs purs et durs, ont en effet joué les apprentis sorciers. Ils ont pensé qu'en introduisant une pincée de renouveau religieux dans la société turque, ils pourraient mieux la contrôler. La religion piome du peuple. Oui, enfin, si vous voulez. C'est ainsi, et ce n'est qu'un exemple, qu'ils ont instauré les cours de religion obligatoires dans les écoles. Oui, mais ça, c'était une entorse grave à la doctrine kémaliste. Hein. Certainement. Mais les généraux ont estimé que la religion pouvait jouer un rôle unificateur et nationaliste. Et ils se sont trompés. Lourdement, oui. Car les islamistes ne vont avoir de cesse d'avancer leurs pions et de grignoter le pouvoir des militaires, jusqu'à ébranler la formidable forteresse mise en place par l'armée. Et c'est aujourd'hui tout l'enjeu de l'affaire Ergenekon. Mais si vous le voulez bien, nous reviendrons la semaine prochaine sur l'ouverture de ce dossier qui jette une lumière crue sur l'existence de cette véritable pieuvre qui avait infiltré tous les échelons de la société turque. À samedi prochain pour la suite. En attendant, je vous propose quelques titres. Histoire de la Turquie d'Ibrahim Tabet aux éditions de l'Archipel. La Turquie, un ouvrage collectif dirigé par Semih Vaner, paru chez Fayard. Et Les armées secrètes de l'OTAN de Daniel Ganzer aux éditions 2001. Autant de livres dont vous pourrez retrouver les références sur franceinter.com, un site qui vous permettra aussi de communiquer avec nous. Merci à Michel Biou, Valérie Ayestaraï, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, un petit tour dans la nature, CO2 mon amour de Denis Chessou.